de regarder le micro. Comment survivre son émotivité à celle des autres tout en restant intelligent? Il y a deux thèmes dans le titre que j'aimerais qu'on aborde. La première, c'est survivre à son émotivité, puis en restant intelligent, ça peut être séparé. Survivre à son émotivité, ça sous-entend, d'après le titre, que l'émotivité tue. Effectivement, être émotif, c'est être un mortel. Comment l'émotion peut-elle tuer un mortel? Comme elle le fait régulièrement, elle le porte au suicide, elle le porte aussi à assassiner les autres, elle le porte à consommer, à boire, à se droguer, et de toute façon, elle le fait vieillir, donc il meurt. Ça veut dire qu'un être qui ne serait pas émotif ne vieillirait pas? Un être qui serait anémotif et qui serait intelligent ne vieillirait pas. Est-ce qu'il peut être juste anémotif et ne pas être intelligent? Ça peut arriver. Donc, s'il est anémotif, pas intelligent, est-ce qu'il meurt quand même? On appelle ça une pierre, une roche. Ah. Mais les végétaux ont des émotions, ils vieillissent plus lentement. Les animaux ont des émotions, selon la quantité d'émotions qu'ils ont, ce ne sont pas nécessairement des émotions comme l'être humain les conçoit, pas nécessairement une émotion émotive. Et l'animal humain, lui, a des émotions qu'on vénère. Comment une émotion peut ne pas être émotive? L'émotion, quand je dis pas émotive, une émotion qui n'est pas exprimée dans le sens où les gens, bien souvent, considèrent que devrait être exprimée une émotion. Un chien peut aimer, un loup peut aimer, un chevreuil peut aimer, un hippocampe, ça aime, mais ça n'aime pas de la façon dont les humains aiment. Donc, les humains vont dire qu'ils n'ont pas d'émotion. Ils ont des émotions, qui, du point de vue de l'homme, ne sont pas émotives. Ils vieillissent et meurent. Une tortue, ça n'a pas beaucoup d'émotions. Ça vit quelques milliers d'années. Mais un chien ou un chat, ça a des émotions? Ah, énormément. C'est plus près des émotions de l'homme? Le chien ou le chat qui vit avec l'homme développe à son contact le même genre de maladie et il finit aussi par vieillir et mourir, oui. Et un être anémotif, est-ce que tu en connais? Un être anémotif, c'est un être sans émotion. Anémotif, âne, absence, donc un être anémotif est un être sans émotion. Que j'en connaisse ou pas, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe? Ah, ça existe, oui. Sur la planète Terre, des non. Êtres humains qui ne meurent pas? Pas sur la planète Terre, pas encore. Ça s'en vient. Sur quelle planète? Ah, pas sûr. Les noms, c'est dans le langage de l'humain, on peut inventer n'importe quel nom, mais c'est pas... Mais comment, aujourd'hui, en 1989, un être humain peut-il être anémotif? On a appris à aimer, on a appris à partager, à fraterniser, à se rendre... On n'a pas appris, on a été programmé. Enfin, l'être humain a été programmé à partager, à aimer, à exprimer ses émotions, parce que la majorité de la psychologie contemporaine, elle solutionne les problèmes des gens en les forçant à exprimer leurs émotions. L'émotion, les gruge tellement par l'intérieur que si tu n'es pas capable d'en rejeter un peu dans le visage des autres, tu meurs plus vite. Alors, c'est pourquoi tu dois partager tes émotions, exprimer tes émotions, sinon tu sautes. Mais peux-tu ne pas avoir d'émotion? Ben, ça va de soi. Pratiquement, dans la vie de tous les jours, comment tu fais pour... Ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours ou avec 1989. L'idée est simplement que l'être humain qui a de l'émotion, c'est un être humain qui meurt. Un être humain qui perd son intelligence, c'est un être humain qui a de la difficulté à être efficace. Et celui qui n'a pas d'émotion, qui a eu de l'émotion, c'est important, celui qui n'a plus d'émotion, est un être humain qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligent et qui pourra vivre aussi longtemps qu'il n'aura pas d'émotion. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes d'aimer ton conjoint, tes enfants, ton père, ta mère, ta famille? Ben oui, ça va de soi, c'est évident. L'amour est une émotion, l'amour est une des plus grandes... L'amour est un des plus grands facteurs d'involution à l'échelle de la planète. L'amour, c'est la trace. L'excrément résiduel qui est resté dans la conscience de l'homme à travers sa descente, à travers son effusion, à travers sa chute. C'est ça, l'amour. C'est donc inintelligent? L'amour, c'est tout à fait inintelligent. L'amour, c'est la contrepartie de l'intelligence chez l'homme. L'amour, c'est ce qui remplace l'intelligence chez l'homme. Oui. L'être humain qui aime, il est esclave. L'être humain qui aime, il souffre, il s'ennuie, il est angoissé, il tue, il haït. Mais tu peux aimer tes enfants et être intelligent quand même? Quand tu les aimes, tu n'es pas intelligent. Quand tu ne les aimes pas, tu es intelligent. Donc, tu peux, dans 24 heures, avoir aimé et avoir été intelligent, mais pas en même temps. Donc, ça empêche d'être intelligent et amoureux, entre guillemets, en même temps, mais les deux, tu peux être les deux dans une période de temps donné. Sur 24 heures, tu peux avoir été intelligent pendant 8 heures, tu peux avoir été amoureux pendant 5 dépendant heures. Dépendant de ta structure d'évolution, dépendant de ta structure du cerveau, oui. Tu peux être intelligent de temps en temps, lorsque tu n'aimes rien, lorsque tu n'aimes pas, lorsque tu n'as aucune émotion. Et lorsque tu vis une émotion, l'intelligence diminue au fur et à mesure, inversement proportionnelle à la quantité et à la qualité d'émotion que tu vas vivre. Plus l'être humain augmente son potentiel d'émotivité, plus son intelligence descend. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Ben l'amour, évidemment, je peux t'expliquer ce que l'humain veut que ce soit, l'amour, et je peux aussi te parler de ce que c'est que l'amour, exprimé par l'humain, vécu par l'humain. Parce que si mon fils se fait frapper par une auto en face de chez nous, je ne sais pas si tu vas être capable d'être intelligent non, à ce moment-là. Non, tu ne seras sans doute pas capable d'être intelligent si tu es suffisamment manipulé, assujetti à l'émotivité. Mais je ne peux pas ne pas dire, je l'aime pas, il s'est fait frapper, qu'il soit fait frapper ou pas, frapper, enlever ou quoi que ce soit, ou qu'il soit là. Tu peux pas ne pas arrêter d'aimer un enfant. Tu peux, mais l'humain, présentement, est tellement manipulé, tellement appris, tellement pogné, que c'est plus compliqué. Mais tu peux pas aimer et ne pas être pogné? Non, non, non, non. Si tu aimes, tu es pogné. Totalement. Quand on entendait parler du Christ, du Nazaréen, son amour, lui, c'était... Est-ce que c'était le même type d'amour? Il avait pas l'air d'être pogné, lui. Non, le Nazaréen n'a jamais aimé l'humain. Mais pourtant, il dit « aimez-vous les uns les autres ». Mais il n'y a pas le choix. C'est la seule chose que lui-même fait comprendre, c'était « tuez-vous les uns les autres » ou « tuez-vous plus les uns les autres ». Alors il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Vous allez mourir pareil. « Aimez-vous les uns les autres », c'est pas plus dans le sens « soyez en paix, ne vous tuez plus ». Non, le Nazaréen parlait des personnages de son temps, et premièrement, il ne parlait pas en français, donc il y a déjà des traductions, des déformations à travers la traduction des mots. Et aussi, le Nazaréen devait se servir des mots existants dans la langue de l'époque. Il parlait en araméen. Alors, il se servait des mots dans la langue de l'époque. On a traduit en hébreu, on a traduit en grec, on a traduit en français, en anglais, etc. Il parlait dans la langue de l'époque. Et l'amour dans la langue de l'époque, en araméen, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même consistance émotive que ce que nous connaissons, bien que c'est comme la connaissance. Si on regarde la connaissance, machin chouette connut un tel et il enfanta. Bon, mais la connaissance, l'émotivité et la substance contenue dans ce que pourrait vouloir dire le mot connaître biblique et de connaissance aujourd'hui, c'est autre chose. Quand on parle d'amour en araméen, c'est pas la même chose que de l'amour en terrien d'actualité. Il y a donc une déformation du sens du mot amour par rapport à ce qu'on a lu. Bon, si on parle d'amour, qu'est-ce que veut dire le mot amour dans le langage du Nazaréen? Eh bien, à un moment donné, on a un zélote qui vient le voir, Barabbas. Et si le Nazaréen l'aime dans le sens qu'on a été programmé, manipulé, rabaissé à aimer, eh bien, il devrait normalement faire ce que le zélote veut. Au lieu de cela, il l'envoie promener. L'autre, il lui dit, tu devrais devenir le chef des zélotes. Et le Nazaréen lui répond, tu devrais aimer tes ennemis. C'est pas ça pendant tout qu'il voulait l'autre. Il veut les tuer, ses ennemis. Alors, si tu aimes quelqu'un dans le sens de l'amour conventionnel, mais tu s'en vas pas et dire ça en plein visage. C'est comme si ta grand-mère rentre chez vous, puis elle dit, « Est-ce que tu sors avec moi ce soir, j'aimerais ça? » Tu lui réponds, « Non, moi, j'aimerais pas ça. » C'est aussi violent. Alors, le Nazaréen, il rentre dans un temple, on parle de quand il a jeté tout le monde dehors. Il a jeté plus qu'un dehors. Dans la quantité d'apôtres, à travers les 63 qui l'ont suivi, il y a eu 12 principaux, un seul ami, Lazare. À travers la gang qui l'ont suivi, il y en a un paquet qui ont voulu être apôtres. Il ne veut rien savoir. Il est intéressé simplement à ceux qui étaient reliés à un faisceau différent d'énergie. Du moment qu'il y en avait 12 poissons pour le suivre, ça allait bien. Bon, il n'y avait aucun problème. L'amour, bon, à la fin, combien de milliers de personnes avaient besoin de la présence de ce que tu appelles le Christ pour continuer à vivre leur foi avant sa crucifixion? Un grand nombre. Combien avaient été guéris? La majorité des humains qui l'avaient connu voulaient qu'il reste. Alors, il prédit qu'il va mourir sur une croix et puis il ne fait rien pour l'en empêcher. Il rit dans le visage de tout le monde puis il s'en va se faire crucifier. Ça ressemble à quoi? Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui se fout royalement des autres. Il n'aimait pas dans le sens pourri, dans le sens absolument abêtissant de l'amour que l'on connaît, que l'on parle, qu'on essaie de vanter sur la planète Terre. Mais pour lui, c'était de l'amour. Pour lui, c'était de l'amour, mais c'était pas de l'amour. Pour l'humain, c'était pas de l'amour. Quand on dit le Nazaréen a souffert, l'humain a souffert, pas le Nazaréen. Donc l'amour que lui a vécu, c'est un amour anémotif? Ce qu'il a vécu, ce n'était pas une émotion. Est-ce qu'on peut, nous autres, survivre dans un amour comme ça? Je vais poser la question à l'envers. On parle de survivre à son émotivité, mais est-ce qu'on peut survivre à l'anémotivité? Si on devient bête comme ça, on se fait tuer. Remarque bien qu'on devient bête comme ça, et on est bête du point de vue de l'autre. Oui. Et si l'autre nous aimerait dans le sens philosophique de l'amour, il nous trouverait pas bête. Il dirait, c'est son choix. Mais si toi, ou si moi, pour prendre mon exemple, dans ma famille, moi je décide d'être anémotif de ma matière. Tu ne peux pas décider d'être anémotif. Tu peux te découvrir anémotif, tu peux devenir anémotif. Je peux me faire manipuler à devenir anémotif? Non. Non plus? Non, on ne peut pas. Quand on devient anémotif, on ne se fait pas manipuler. C'est quand on est émotif qu'on se fait manipuler. Quand on n'est plus manipulable, on est nécessairement émotif. Celui qui n'est plus manipulable est nécessairement sans émotion. Mais si je deviens, de n'importe quelle façon, je deviens un émotif, je risque de... Tu risques rien. ...poser pas mal de problèmes alentour. Tu risques ceux rien. Avec qui tu vis, ceux avec qui tu parles, ceux avec qui tu fais des affaires ou ceux avec qui tu couches, ils peuvent être encore émotifs, eux autres. Ils sont encore. Ils sont encore. Mais comment tu survis là-dedans? Ils vont l'être un peu plus. Ils vont récupérer l'émotivité que tu as décidé de refuser. Je me débarrasse de la mienne, je vous ordonne. Ben oui, ils la prennent, ils la veulent. Qui va finir par la prendre quand tout le monde va s'en débarrasser? Quand tout le monde va s'en débarrasser, tu parles d'ici 2700 à 3000 ans? Oui, mais il y a un jour où l'émotivité va se ramasser quelque part. Oui, ça va créer des doubles éthériques. C'est le corps vital de l'humain qui va l'absorber. Ça ne sera plus absorbé au niveau d'informations émotives ou psychologiques ou astrales. Ça va être absorbé au niveau disons, d'informations vivantes, de vie, d'énergie vitale. Donc l'émotivité, c'est de l'énergie? L'émotivité, c'est de l'énergie. L'émotivité, c'est l'expression d'énergie. L'émotion, c'est de l'énergie lorsqu'elle est à l'extérieur de l'homme. Et l'émotion, à l'intérieur de l'homme, c'est une absence d'énergie. Celui qui vit une émotion n'a pas d'énergie. Ce que son corps exprime, c'est l'énergie qu'il a chez lui et qu'il est en train de perdre. Mais celui qui vit de l'émotion ne gagne pas en énergie, il perd en énergie. Alors s'il a trop d'énergie chez lui et que sa structure neuronique ou endocrinienne n'est pas capable de l'assimiler, nécessairement son corps physique risque d'avoir des problèmes. Alors il peut sauter. De là l'idée de la psychologie d'exprimer son émotivité. Celui qui exprime son émotivité perd son surplus d'énergie et il le donne à d'autres. On partage. On partage des choses. Et celui qui vit une émotivité qui n'est pas pathologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de la partager, mais il a été programmé à la partager, celui-là ne fait que se vider. Celui qui vit une émotivité dans le sens d'aimer autrui, il a besoin de tout le monde. Il a besoin d'aimer, il a besoin de faire ce bénévolat, il a besoin de toucher, il a besoin d'embrasser. Celui-là, il se vide simplement. Il vieillit très rapidement. Il s'extrait de l'énergie lui-même. La haine nourrit bien plus que l'amour. Tu vas vivre beaucoup plus vieux si tu haïs que si tu aimes. Ah, pourquoi? Parce que la haine, tu ramasses l'énergie des autres, tu ramasses l'émotivité des autres, tu ramasses l'énergie des autres. Ça va te faire vivre. Mais si j'haïs quelqu'un puis lui, il ne sait pas comment il m'énergise. Il t'énergise pareil. Chaque fois que tu vas le voir, tu vas en profiter. Donc, je draine son énergie parce que je l'haïs. Mm-hmm. Donc, s'il y a bien du monde qui m'haïsse, il me vide. Aussi, absolument. Que je la veuille ou pas. Absolument. Il ne faut pas se faire d'ennemis. On en aura toujours les ennemis de toute façon, mais il ne faut pas s'en faire, non. Il ne faut pas s'en faire tout court. Mais le fait de devenir anémotif peut faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de monde qui ne te comprenne plus. Puis que de quand l'être humain est anémotif, quand l'être humain ne vit plus d'émotivité, quand l'être humain n'est plus assujetti par l'émotivité, ses ennemis n'ont plus d'emprise sur lui pour la simple raison que la qualité d'énergie que tu vas siphonner, en l'occurrence l'émotivité, n'existant plus chez l'humain, il y aura de l'intelligence, donc du mental, il y aura du vital, il y aura du physique, mais il n'y a pas de substance. Exactement comme si tu rencontres un animal qui boit de l'eau. Chaque fois qu'il te touche, il absorbe l'eau de ton corps. Mais si tu n'as plus d'eau, tu as de la glace et de la vapeur d'eau. C'est la même énergie, mais on ne peut plus te la siphonner. Il boit de l'eau, il ne mange pas la glace, il ne respire pas de la vapeur d'eau, il doit boire de l'eau. Alors tu n'as plus d'ennemis. Tu n'as plus de karma et tu n'as plus d'ennemis. Si tu es un émotif, tu n'as plus de karma non plus? Non plus. C'est le règne de l'animal humain, c'est le règne du terrien, c'est le règne du mortel. De vivre du karma, de vivre de la mémoire, de vivre de l'émotion, de vivre du désir. Et souffrir. C'est de l'émotivité d'ailleurs, la souffrance. C'est génial. Est-ce que le désir aussi, c'est l'émotivité? Ah oui. Le désir, c'est une confrontation entre les mémoires et les perceptions. Le désir, c'est une confrontation entre ce que tu as comme expérience et ce que tu perçois. Ça va engendrer le désir chez toi. L'émotivité va être ce qui va être vécu au niveau de ton âme, au niveau de ta psychologie, au niveau de ton corps astral, lorsque tu expérimenteras le désir. Et quand l'être humain a un désir, il a nécessairement une émotivité, une émotion qui va avec, sauf si le désir est un désir événementiel, c'est-à-dire sauf si le désir est un phénomène d'écologie, un phénomène de conséquentialité, c'est-à-dire que tu ne désires pas, j'ai soif, je ne désire pas boire, j'ai soif, je bois. J'ai soif, il n'y a pas d'eau, je n'ai pas soif. C'est pas une question de désir. Tu peux avoir soif quand même s'il n'y a pas d'eau. Non. Ah ben oui. Non. On ira prendre une marche dans le désert tout à l'heure. Oui. Je n'aurai pas soif. Je vais peut-être mourir déshydraté, mais je n'aurai jamais eu soif. À un certain moment, le corps physique va envoyer des signaux disant que lui, il a soif. Lui, il envoie des signaux, la psychologie les décode. Si ton mental ne voit pas d'eau, c'est annihilé immédiatement. si ta psychologie décide de se plaindre à l'intérieur comme à l'extérieur du fait qu'il manque d'eau, là, la soif va apparaître, elle va grossir, et tu vas avoir soif. Puis là, tu vas le partager, tu vas le dire. On va tous avoir soif ensemble, on va tous broyer ensemble. On perd de l'eau en plus. Ça veut dire que la différence, il y a une différence entre avoir soif et avoir besoin d'eau. Oui. Avoir soif, c'est psychologique, puis avoir besoin d'eau, c'est physique. Absolument. Si tu arrêtes d'exprimer des désirs comme ça, tu arrêtes d'exprimer de l'émotion. C'est comme le sommeil. Est-ce que tu te débarrasses de l'ego en faisant ça? En étant un émotif ou si tu dois te débarrasser de l'ego d'abord pour devenir un émotif? Bon, l'ego, c'est le je, c'est le moi. L'ego, c'est la mémoire, c'est l'expérience, c'est toute notre vie. L'ego, c'est lui qui vit l'émotion, c'est le virus qui possède l'homme. L'ego est continuellement manipulé par des réincarnations qui se font 24 heures sur 24 sur lui, tout au long de sa vie. L'ego est manipulé par les relations qu'il a avec les autres égos. La communication entre deux égos se fait uniquement par émotivité. Uniquement. Si tu as une voix mentale et que tu parles mental à quelqu'un, son ego ne peut rien savoir. Si le mental reçoit l'information, il le comprend. Si le mental n'émotivise pas, si le mental n'est pas assujetti à l'ego par l'intellect, par l'ajusteur psychologique, l'ego ne sait rien de ce qui est communiqué mentalement. L'ego ne peut pas le retenir en mémoire. Il ne peut pas s'en servir. Il n'entend pas? Absolument pas. Toute l'information entre l'animal humain est communiquée par l'émotivité. Toute l'information. Et l'intelligence ne se communique pas par l'émotivité, l'efficacité non plus. Alors, l'être humain qui est sans ego, donc anégoïque, est nécessairement sans émotion, donc anémotif. Alors, il est intelligent, supra-intelligent, ce n'est pas long, donc au-delà même de l'intelligence que j'appelle l'intellectuance, qui est la gestion des mémoires que l'humain connaît aujourd'hui, et il ne meurt plus. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'émotion. Non. Mais est-ce que l'inverse, c'est possible? Est-ce qu'il peut avoir encore de l'ego? Non. Puis ne plus avoir d'émotion? Non. Donc les deux disparaissent en même temps? Ben oui, ça va toi. Ego serait synonyme d'émotion? L'ego n'est pas synonyme d'émotion. L'ego, c'est lui qui exprime l'émotion. Donc, s'il n'y a plus à exprimer d'émotion, il n'y a plus rien à faire, donc il s'en va? Non. C'est comme si tu as un cube de glace sur une table. Quand tu approches ta main, c'est froid. Quand il n'y aura plus de glace, il n'y aura plus de froid. Mais le froid n'est pas synonyme de glace. La glace n'est pas synonyme du froid. Mais la glace, elle crée le froid. Elle absorbe l'énergie de l'extérieur. Elle draine. Donc, tout ce qui est autour de la glace devient froid, baisse en vibration. On appelle cela involu. Et la glace, à la longue, va évoluer jusqu'à temps qu'il y ait un équilibre entre l'extérieur et la glace. Mais lorsqu'il y a l'équilibre, il n'y a plus de glace, il n'y a plus de froid. Lorsque l'être humain aura réussi à équilibrer son mental par rapport à sa structure astrale, à un moment donné, parce que l'humain a la faculté d'entrer en contact avec une énergie qui ne provient pas de l'expérience de l'homme sur la planète Terre, qui provient de l'expérience de la création de l'homme à travers les sphères cosmiques, à travers les univers, les super-univers et la création elle-même, lorsque l'être humain entre en contact avec une énergie supérieure au mental, donc supramentale, lorsque l'être humain entre en contact avec cela, il voit son mental se réchauffer, le réchauffement du mental déstabilise totalement l'ego, et lentement, notre ego finit par être totalement absorbé par le mental, ou, pour être plus juste, être absorbé par le plan moronciel, c'est-à-dire un espace entre la vie et la mort, où l'être humain va créer un double éthérique, qui va de toute façon le rendre immortel du point de vue de sa personnalisation évolutive. Et l'être humain va voir son ego fondre, en même temps, il va voir ses désirs fondre, en même temps, il va voir son émotion, son émotivité fondre. Jusqu'au jour où l'être humain n'aura plus de mémoire. Plus de mémoire, plus de karma, plus de désir, plus d'émotion. Si tu n'as plus d'émotion, est-ce que tu as nécessairement, tu n'as plus de mémoire? Quand tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus de mémoire. Quand tu n'as plus, absolument plus d'émotion, tu n'as plus de mémoire. Mais sur le chemin qui mène vers l'animotivité complète, entre le jour où tu es complètement émotif, puis le jour où on est émotif comme tout le monde, pas tout le monde, mais comme plusieurs personnes. Quand on est animotif, sur le chemin entre les deux, là, on a encore de mémoire, puis on a encore de l'émotion. Mm-hmm. Il y a des périodes où tu n'as pas d'émotion, mais pendant ces périodes où tu n'as pas d'émotion, tu as encore de mémoire. Est-ce que les mémoires font que tu gardes l'émotivité plus longtemps? Tu vis ton émotivité à l'intérieur de toi et à un moment donné, elle devrait t'exprimer ou absorber. Tu as toujours de l'émotivité, mais si ton mental est suffisamment le maître contrôleur à bord de ton corps physique, la majorité de ton émotivité ne sera à peu près pas exprimée par ton système endocrinien. Donc, tu ne vieillis presque plus, tu vieillis de moins en moins, malgré que de temps en temps, tu restes assujetti à avoir des rechutes violentes d'expression émotive. Et c'est là que tu vas regagner le temps perdu. Physiquement, quelle différence qu'il y a quelqu'un qui est anémotif, qui ne vieillit plus, qu'est-ce qui se passe physiquement pour qu'il arrête de vieillir? Ben, c'est assez facile à voir. Il vieillit plus. Hein? Mais le vieillissement est seulement dû à l'émotion. L'usure du corps, là, un ouvrier, quelqu'un qui travaille fort physiquement, qui sert de ses muscles, à la longue, il n'y a pas juste de l'émotion qui va finir par fatiguer son corps. Bon, premièrement, on peut parler des rayons ultraviolets qui vont vieillir un corps physique, sauf que s'il y avait une animotivité à l'intérieur, les rayons ultraviolets n'auraient pas la même incidence sur la cellule. Ton ouvrier qui travaille dans ce chantier de construction, bien souvent, il passe son temps à sacrer, il passe son temps à gueuler, il parle de sexe, il parle de femme. Pour sécréter, pour être émotif, il est émotif en masse. Puis s'il n'était plus, puis qu'il travaillait encore 12 heures par jour, fort physiquement? Il ne travaillerait plus 12 heures par jour, fort physiquement, parce que j'ai dit qu'il deviendrait intelligent. Parce que travailler, c'est être inintelligent? Oui. Bon, on va y aller. Ça va pas? Explique-moi ça. Là. Mon ego a des problèmes. Là. L'être humain qui travaille est un esclave. Oui, mais si on arrête tous de travailler, là, qui est-ce qui va enlever la neige à Saint-Denis? Ils arrêteront pas tous de travailler. Pas encore. Quand l'animal humain va devenir un être humain, il n'aura plus besoin de travailler. Quand il va cesser de travailler, c'est les robots qui vont travailler, c'est la matière qui va travailler, ce ne sera pas l'humain qui va travailler. C'est absolument stupide et ridicule de devoir perdre toute sa vie au complet à travailler pour pouvoir mourir plus confortablement. Oui, mais si tu veux vivre, avoir une maison, te payer une maison, te payer de quoi manger... Tu n'as pas besoin de travailler pour ça. Ah non? Explique-moi ça encore. Est-ce qu'il y a, selon toi, est-ce qu'il y a une différence entre vivre et travailler? Entre les deux? Oui. Oui, bien, d'après moi, les deux sont complémentaires. Complémentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille pas, je vis pas. Puis si tu vis pas, tu travailles pas? Ça, c'est sûr. Bon. Alors, c'est pas une espèce de queue de poisson, c'est pas une imbécilité planétaire, l'idée de devoir vivre pour travailler, de façon à pouvoir travailler pour pouvoir vivre. Oui, mais tu peux vivre sans vivre pour travailler, mais tu as besoin d'un minimum de matière qui t'entoure pour vivre physiquement, pour être capable d'alimenter ton corps physique, pour être capable de l'habiller, pour être capable de... Alors, mettre de l'engrais, sarcler, arroser, protéger contre les insectes, puis contre les enfants du voisin, ton pommier... Pendant 20 ans, c'est travailler. Arracher une pomme et la manger, est-ce que c'est travailler? Non, ça c'est manger. Oui. Te promener dans ton jardin, ramasser une pomme et la manger, c'est vivre. Oui. Il y en a un qui va passer sa vie à entretenir quelque chose qui ne lui appartient pas pour se donner l'illusion de mériter à un moment donné quand il aura faim. De là l'idée, très théologique d'ailleurs, de devoir gagner son pain à la sueur de son front. À un moment donné, il y a des peuples qui ont pensé que c'était intéressant de gagner son pain à la sueur du front des autres. Et on les a bannis sur la planète, on les a massacrés, on a même voulu en exterminer des descendances, le peuple juif entre autres. Et il y a toujours dans la conscience très astralisée, très émotive de l'humain, de la jalousie dans ce sens. À un moment donné, il y a des êtres humains qui finissent par s'asseoir et ils ont des idées. Et ils les communiquent à d'autres, les autres les appliquent, puis on les paye pour avoir des idées. Ceux-là ne travaillent pas, ils vivent. Il y a celui qui fait de la peinture chez lui. Ça, c'est quand il vit. Mais pour pouvoir faire de la peinture, il faut qu'il arrête, il faut qu'il aille réparer les automobiles dans la Grèce. Et là, il travaille. Puis il y a celui qui fait de la peinture, puis qui les vend. Puis, il ne travaille jamais, lui. Il vit. Il y a une grosse différence entre travailler et vivre. Ça veut dire qu'on travaille quand même, mais on fait ce qu'on aime. On ne travaille pas pantoute. OK. Tu n'appelles pas ça un travail parce que tu le fais avec plaisir. Oui, mais sauf que si tu mets un syndicat dans celui qui fait de la peinture, immédiatement, il se met à travailler. Là, la peinture, il n'aime plus ça. Alors là, maintenant, il travaille. C'est pareil. Celui qui éduque les enfants parce qu'il aime ça, la journée qu'il donne un salaire, il se met à travailler. Là maintenant, c'est plus pareil. Avant, il rentrait avant l'heure, il sortait après l'heure, il rencontrait les gens, il était bénévole. Maintenant, tu donnes un salaire. C'est pas long que là, il n'arrive plus avant l'heure, il arrive à l'heure, sinon en retard. Puis il part, c'est pas long qu'il part à l'heure, mais il finit de travailler un peu avant. Il prend son café. Après ça, il faut 2, 3, 4 pauses qu'il ne prenait pas avant. Et puis lentement, il a besoin d'un syndicat. Et puis après ça, il a besoin de journées de maladie, de journées d'écœurement, de journées de burn-out, qui ne vivait pas à l'époque où il n'était pas payé. À l'instant où l'humain mélange l'idée de la vie et de l'orchestration sociale, l'esclavagiste, il détruit l'humain. On rentre encore dans les facteurs d'émotivité. J'ai écrit un livre sur l'enfant Teflon, savoir éduquer l'enfant Teflon, le syndrome, etc. La publicité qu'on fait, et j'ai bien demandé à l'éditeur de bien orchestrer sa publicité pour vendre le livre. Il a premièrement envoyé de l'information au directeur d'école, celui qui est pris avec les professeurs, puis des fois avec les jeunes, quand les professeurs lui envoient les jeunes, au CLSC, aux hôpitaux, aux bibliothèques. Alors, l'éditeur me dit, oui, mais on devrait aussi faire une promotion dans les revues que lisent les professeurs. J'ai dit, non, les professeurs n'achèteront pas jamais ces livres-là. Le professeur parent, dans une librairie, va l'acheter. Mais le professeur, dans son école, il va dire, oh, ben, que l'école le fournisse. C'est comme ça que ça marche, l'humain. Travaille, là. C'est pas pareil. L'humain ne devrait jamais travailler. Je travaille pas, moi, ce soir. Je vis. C'est plaisant. Et je n'ai jamais... j'ai pas travaillé souvent. Quand j'étais jeune, j'étais un peu niaiseux. Et encore là. Ça veut dire qu'on ne devrait jamais endurer un emploi qu'on n'aime pas? On ne devrait jamais endurer une vie qu'on n'aime pas. Ça inclut tout? Oui. La femme, le mariage, le travail. Il y a des imbéciles qui vont dire, on va se suicider. Mais il n'y a pas un danger, un risque fort que les gens... Aucun risque. Non. Mais qu'avant de trouver ce que tu aimes, tu peux te promener longtemps. Non. C'est sûr que si tu veux vivre ce que les autres vivent, alors là, tu te promènes longtemps. Tu ne veux pas vivre ta vie, tu veux vivre celle des autres. Et que ça a l'air beau chez le voisin. Alors, tu essaies d'avoir la même cour que lui. Mais quand tu arrives dans son point de vue, tu ne vois plus la cour comme tu la voyais de ton point de vue. Si tu veux vivre les choses des autres, c'est ton émotivité qui te dirige encore une fois. Premièrement, tu n'es pas intelligent. Puis deuxièmement, tu meurs lentement. Sinon, rapidement. Le suicide, c'est ça, le suicide. C'est le summum de l'émotivité. Il arrive à un point où ils ne peuvent plus endurer l'émotivité ou ils en ont trop? Ah, non, mais ils en ont trop. On ne parle pas du suicide logique, on parle du suicide de l'animal humain. Mais l'émotivité à l'intérieur, quand elle n'est pas exprimée, tu disais que c'est un trou d'énergie. Non, l'émotivité à l'extérieur, c'est un surplus d'énergie. Quand elle est à l'intérieur, c'est un surplus d'énergie. Quand toi, tu l'exprimes, là, tu vas percevoir ton émotivité, l'exprimant ce qui sort de l'énergie, et là, c'est une absence d'énergie que tu as chez toi, c'est ce que l'humain appelle l'émotivité. Mais est-ce que ceux qui se suicident n'expriment justement pas leur énergie, leur émotivité? C'est le suicide logique de celui qui transite, celui qui n'est pas capable de supporter la vision nouvelle. Ce soir, j'amène des visions neuves. Il y a beaucoup d'humains qui ont des visions neuves. Leur ego, ne pouvant les supporter, les suicide. Il a tout le corps physique. Comme si ça regagne le monde de la mort, ça le la paix. C'est sauvé. Ça n'évolue plus. Ça n'évoluera pas. C'est sauvé. Mais si une personne est renfermée sur elle-même... On est toujours renfermé sur soi-même. OK. Mais une personne qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas son émotivité, qu'est-ce qui se passe énergiquement dans cette personne-là? Il y a un manque. Fais attention, la personne peut exprimer son émotivité dans sa peinture, dans ses chants, dans sa flûte, dans son ménage, sur ses ongles, avec son chat, son serin, avec ses rideaux. Qu'est-ce que c'est exprimer son émotivité? Ben, c'est... Sinon, mais attacher de l'importance à des choses. À des êtres aussi. Ben, c'est ça, des choses. Oui, qu'est-ce qu'un être humain aime? Un animal humain, ça n'aime pas un être humain. Ça l'aime une chose, ça l'aime le corps physique de l'autre. Un homme, quand un homme regarde une femme, est-ce qu'il dit, moi ce que j'aime d'une femme, c'est qu'elle soit intelligente? Voyons donc, ils ont appris à dire ça. Mais ça, c'est une farce. Mais c'est une chose. Ce qu'il aime, c'est les yeux, c'est les pieds, c'est les seins, c'est les fesses. Ce qu'il aime, c'est l'objet. Oui, mais la quand, femme, ce qu'elle aime, c'est l'objet aussi. Quand ça se met à parler le lendemain matin, là, c'est avec d'autres choses que tu négocies. Mais oui, puis le mâle, eh bien, l'animal humain, vient souvent frustré. Parce qu'il se rend compte que, ah, merde, en plus, elle a des désirs. Oh, si, ouais, j'ai couché avec, là, puis correct. Que ça arrête là. Ouais, mais après, et puis gonflable, ça règle le problème. Des fois que ça continue. Quand ça continue, après, tu ne parles plus avec le corps, là, tu parles avec quelqu'un d'autre. Ouais. Tu peux être bien aussi avec cette personne-là qui te parle. Tu n'es jamais bien avec son corps. Tu es bien avec elle. Mais tu ne l'aimes pas, elle. Tu aimes ton corps. C'est pas pareil. Quelle différence il y a entre aimer la personnalité et aimer le corps? Tu n'aimes jamais une personnalité, c'est une question d'intelligence. Il y a un sentiment, il y a une vibration, il y a un bien-être. Mais pas que le corps de l'autre. Mais il y a la définition du mot amour. Ah, ben la définition du mot amour, c'est qu'elle était tirée comme la définition du mot Dieu. Hein? Ça va, tout est salade. Est-ce qu'on peut trouver une autre définition à amour? Amitié, c'est le terme le plus juste qui existe sur cette planète en langue française. C'est amitié. L'amitié. Oui. Pas amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est aimer. C'est génial. Bon. Alors, ça veut dire que celui qu'on aime, on l'aime. Donc, nécessairement, je t'aime. Tu peux pas te faire ce que tu fais là, je t'aime. C'est pas compliqué, ben. Tes enfants, ils décident qu'ils vont se droguer. Ben, crime, tu veux pas, t'es aimes. Tu les respectes plus pantoute. L'amour, j'en ai déjà parlé suffisamment de l'amour de cette connerie-là. C'est une vraie farce. L'amour, c'est le plus gros mensonge cosmique qui obscurcit totalement la vision de l'être humain. L'amour, c'est ce qui fait qu'un être humain devient animal. C'est ça, l'amour. Puis, toutes les philosophes, toutes les chansons d'amour parle de souffrance. Bon, en partant, l'apocalypse va arriver plus rapidement que prévu. les personnages qui parlent de l'amour parlent de quoi? On définit une chose. Le poète qui parle de l'amour parle d'objet. Parle jamais de l'intelligence d'un individu. Il parle d'objet. Bon, et toutes les chansons, tous les trucs de l'amour, c'est quoi? C'est juste la souffrance. Bon, on parle d'une madame ici, un JR, qui chante des affaires d'amour. Puis je t'espérais, puis je t'espère plus, puis j'ai souffert, puis je souffre plus, puis j'en ai un autre, t'envoie dedans. Mais c'est pareil. Tout le temps. Il faudrait remplacer le mot amour par amitié. Non, pas juste le mot. Il faudrait arrêter d'aimer. Ouais, tu remplaces pas l'amour par amitié. Tu prends pas quelque chose qui est toute défaite, puis tu mets un mot qui définit quelque chose de correct dessus. OK, bien, il faudrait arrêter d'aimer puis avoir des chums. Les deux sexes. Des amis. Ta femme peut être ton chum. Ta femme peut pas, elle doit être ton ami. Sinon, tu la possèdes. Ton mari ne doit pas être ton mari, il doit être ton ami. Sinon, tu le possèdes. Puis le mot ton est un mot très, très, très, très populaire, qui est un mot possessif pareil. Mais de toute façon, il y a une chose qui est différente. Je suis ton ami, c'est mieux que je suis ton mari. Alors, remarque, entre deux, je suis d'accord. J'aime mieux ça, moi aussi. Là. Moi aussi. Mais n'empêche que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Deux amis, ça se respecte. Ceux qui vivent ensemble se respectent plus. Puis de toute façon, j'en ai parlé suffisamment. L'être humain qui est frustrable, ben, il sécrète émotivement et puis il vit de son émotivité. Il continue à rester assujetti. C'est un être humain qui ne se libère pas encore. Est-ce que l'émotivité, c'est toujours relié à l'amour? Parce que c'est l'amour des objets, l'amour des personnes ou des objets. L'émotivité, c'est l'expression de l'amour. L'émotivité. Alors, ou de la haine. La haine. Qui est l'inverse ou le... La haine, c'est de l'amour. La haine, c'est de l'amour. C'est la même chose. Tu peux-tu haïr quelque chose que tu n'as pas aimé? Je pense que oui. Non. Tu peux haïr des bombardements. Tu haïs pas pantoute des bombardements. Est-ce que tu vas me dire que c'est de la haine ou bien non, c'est pas plutôt un concept psychologique, le bombardement, t'aimes pas ça. Mais je sais pas si tu en as peur. C'est de la peur, c'est pas de la haine. Quand on aura bombardé ta famille, puis qu'on aura tué toute ta famille, en tant qu'animal humain, peut-être que là, tu haïras les bombardements. Mais c'est faux. Tu vas haïr les bombardeurs, pas les bombardements. Ouais, les bombardeurs. Ouais. Mais présentement, tu les haïs pas. Mais je les aime pas non plus. Tu les aimes pas non plus, tu les haïs pas non plus. Donc, mais je peux finir par les haïr s'ils bombardent toute ma famille. Il va falloir que t'aimes. Les haïr. Hein? Mais je vais pas l'aimer avant. Celui qui va me bombarder, je l'aime pas. Non, mais c'est une forme d'amour, c'est la même chose. Il faudra qu'il y ait un contact émotif entre lui et toi. Simplement. Il n'y a rien à faire. Tout l'amour que tu portais pour tes enfants, tu as transformé en haine pour celui qu'ils ont tué. Mais ça reste de l'amour. Tu peux pas haïr quelque chose comme ça. Il n'y a rien à faire, tu peux pas. Impossible. Ça ne fonctionne pas. Je comprends pas. La haine, c'est une transformation d'amour. C'est de l'amour qui était transformé en autre chose. Ça reste de l'amour. Tu vas vivre pour te venger comme tu vas vivre parce que tu aimes. Tu vas vivre plus longtemps avec la haine, par exemple. Puis les émotions viennent de l'amour ou de la haine, qui est de l'amour aussi. Mais est-ce que toutes les émotions viennent de là ou par là? L'émotion, premièrement, c'est l'expression de l'astral, disons, de l'ego, de l'âme, du virus, à travers le corps physique de l'homme. Toute forme d'émotion est absolument biologique. Ce qui rend l'être humain animal, le virus, l'âme, l'ego, le corps astral, ça ne se connaît que si ça s'exprime dans le corps physique de l'homme. Et ça ne s'exprime que par le système endocrinien, donc par sécrétion endocrinienne. C'est-à-dire, on parle des athlètes qui se donnent un peu trop de stéroïdes anabolisants. La mère qui, à un moment donné, voit son fils pris en dessous d'une automobile, qui s'en va puis qui lève l'automobile pour sortir son fils de là, elle devrait être passée de l'amende parce qu'elle vient de sécréter suffisamment de stéroïdes et d'adrénaline, elle vient de se doper. Mais elle a réussi un exploit sans précédent. Ben, il y a eu quelques précédents avant elle, là, mais enfin, dans son cas. Mais qu'est-ce qui arrive après? Elle va vieillir. Elle va être épuisée. Elle va être malade. Elle s'est droguée. Oui, mais c'est pas inintelligent de sortir son fils dans le dessus de l'auto. C'est absolument inintelligent. Très efficace. Inintelligent. Ce n'est pas l'intelligence qui dit que ça conduit. Ouais, ben là, non, je suis pas d'accord. Si ton fils est en train de mourir dans le dessus de l'auto, c'est pas pour pas sécréter d'hormones que tu vas le laisser là. Non. Tu n'as pas besoin d'être émotivement en amour avec un être humain, que ça serait un chien même, puis tu t'essaierais de sortir. Il y a une différence majeure entre sauver quelqu'un par amour et sauver quelqu'un par logique. Ben, c'est logique d'enlever un enfant dans le dessus d'une auto, comme oui. C'est logique d'enlever si tu es capable de le faire. Oui, mais la mère, elle vient d'agir d'une façon inintelligente. Parce qu'elle a levé l'auto? Non, parce qu'elle a agi d'une façon inintelligente. Ça a été quoi, la façon intelligente? S'asseoir sur le hood? Lever l'automobile est la même chose, régie par l'intelligence. Comment? Oh, comment? En obligeant ton mental à sécréter si tu en as besoin? Ou simplement mettant suffisamment d'énergie vitale entre le char et l'asphalte pour que le char se lève? Tout. Puis ça n'aurait pas fait de dommages au corps physique? Regarde ceci. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est extrêmement facile à comprendre. Remarque. Pas pour moi. Deux façons d'agir. Tu te fais attaquer dans la rue? Tu as une arme à feu sur toi, l'individu veut te tuer, alors tu dégaines et tu l'abats. Et une fois que tu l'as abattu, ton corps fait que ton cœur n'a pas accéléré, tu n'as pas transpiré, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien. Tu es anémotif et intelligent, puis tu t'en vas. Avertir la police. Puis un gars qui est venu se suicider dans la rue. Il t'a attaqué. Donc, c'est suicidé. Si tu es émotif, là, tu agis de façon intelligente. Un autre, un animal humain se promène dans la rue, il a une arme à feu sur lui aussi, qui a un permis de port d'arme, et un individu vient pour l'agresser. Même situation. Alors, son cœur se met accéléré. Il a peur. Il ne sait pas s'il devrait agir ou pas. À un moment donné, il dégaine, il tue. Là, il peut rajouter des mots très sains pour se supporter en termes de culpabilité. Donc, il va haïr l'autre. Oh, ben, il y avait pas mal. Bon, là, il va aller broyer quelqu'un, il va aller se plaindre au poste de police. Maintenant, il va se sauver. Dans les deux cas, c'est le même résultat. Il y en a un qui agit de façon inintelligente, l'autre qui agit de façon intelligente. Qu'est-ce qui dirigeait l'humain, l'intelligence ou l'inintelligence? C'est seulement ça qui est la nuance. Lever l'automobile, sortir ton fils d'en dessous, c'est pas l'événement lui-même. Il est efficace, l'événement. L'événement est peut-être même intelligent. Si le fils a de la valeur cosmique, pas de la valeur émotive. Ça n'a rien à voir. Bon. Mais l'individu qui fait le l'acte peut avoir agi d'une façon inintelligente ou d'une façon intelligente. Mais ce n'est pas l'acte qui détermine. Celui qui, à un moment donné, fait une connerie. Bon, alors on veut initier les gens et puis on met le feu dans une bâtisse. Ou on part le système d'alarme en plein milieu de la nuit dans un camp de vacances. Et là, il y a une crise de cœur là-dedans. Est-ce que c'est intelligent ou pas? Ah, c'est stupide, en maudit. Dans un autre camp de vacances, part le système d'alarme, pas de crise de cœur, tout le monde sort, puis après ça, on chiale contre la personne. Deux jours après, il y a un feu, mais là, il y a vu qu'il y a eu une pratique avant, ça sort. Son geste devient intelligent. Oh non, non. Ça, c'est l'humain qui s'amuse, là. Si l'intelligence dicte ton acte, c'est intelligent. Si c'est l'émotivité qui dicte ton acte, c'est pas intelligent. Ça n'a rien à voir avec le résultat, là, on parle de l'événement, de ce que tu fais toi. Puis le résultat, si je t'en de l'auto, moi, que tu sécrètes ou pas, viens lever le char. Mais toi, tu aurais agi d'une façon inintelligente si tu as sécrété, d'une façon intelligente si tu as contrôlé, c'est tout. Mais conserver un corps physique sur la planète qui est en vie, qui est en forme, c'est pas intelligent? Même si que ce soit ton fils ou pas, là. Oui, conserver, oui. Mais agir en sécrétant, toi, tu n'es pas intelligent, c'est tout. Faut faire la différence entre ce que tu fais et ce qui te manipule à le faire. Celui qui achète un billet de loterie qui gagne, « Hey, y'as-tu bien fait? » Celui qui en achète un qui perd, « Hey, y'as-tu mal fait? » Les deux ont acheté des billets de loterie, c'est tout. Les deux étaient émotifs. C'est tout. Il y en a un qui était inintelligent, qui est millionnaire, puis il y en a un qui est inintelligent, puis qui a 10$ de moins, c'est tout. Donc c'est dans ta réaction face à l'événement que tu mets de l'émotion ou t'en mets pas. Si l'humain veut régir sa vie à partir du résultat et de décider si c'est intelligent en fonction du résultat, il ne contrôlera jamais sa vie à partir de l'intelligence. Il la contrôle toujours à partir d'un leurre, qui est l'émotivité intellectuante. Puis selon le résultat, l'ego va dire « Hey, c'est intelligent, je suis intelligent. » Alors qu'un ego, c'est absolument pas intelligent, c'est émotif, c'est tout. L'humain qui veut arriver à fonctionner à travers la vie, il y a deux lois qui gèrent le monde de l'animal humain sur la planète Terre. Ce sont des lois qui sont tout à fait reliées à la thermodynamique. Ce sont des lois qui régissent tout ce qui existe sur la planète Terre. C'est que de toute façon, chaque fois que tu mets de l'énergie quelque part, tu la perds. C'est pas compliqué. Et de toute façon, tu ne gagneras jamais. C'est une loterie qui est comme ça. Tout le système évolutif planétaire, c'est une loterie comme ça. C'est une loterie où, première loi, tu perds toujours. Et deuxième loi, quand tu investis, tu perds ce que tu investis. Et tout le règne de l'animal humain est basé comme ça. Que tu gagnes à la loterie, que tu deviennes milliardaire, tu meurs pareil, tu es vieux pareil, ou tu es vieille, tu seras quand même malade, tu auras la même problématique événementielle que les pauvres. Tu auras peut-être un fils ou une fille qui va se droguer, tu auras des problèmes d'automobile, c'est la même problématique. L'humain a ramassé de l'argent pour en ôter à autrui. Ce n'est pas ce qu'il voulait faire, mais la mécanique, elle est là. Il y a une pointe de tarte, on se la divise. Je prends deux morceaux, tu prends deux morceaux, il n'en reste plus personne. C'est simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand l'être humain devient émotif, quand l'être humain change ce qu'il est lui, quand l'être humain commence à faire une évolution vers l'intelligence, il se désassujettit des deux lois que j'ai énumérées précédemment et il va toucher une troisième loi qui va lui permettre maintenant d'avoir accès à toute la, le morceau, à toute la tarte au complet sans en ôter à personne. C'est-à-dire que ceux qui n'en auront pas, c'est ceux qui vivent à partir des deux premières lois et qui se font ôter leur partie de tarte par ceux qui en ont trop, qui vivent aussi selon les deux premières lois, pas par celui qui vit d'intelligence. L'être humain doit cesser de gérer sa vie à partir de son émotivité. Il doit cesser de vivre à partir de son émotivité. Il doit cesser de confondre l'intelligence et l'émotivité à cause du résultat. Il se perd, il vieillit, il ne survit pas et il perd son intelligence. Comment on fait ça en pratique, arrêter d'être émotif? On commence par en parler. C'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, il faut être capable de supporter ce qui a été dit. C'est déjà une bonne chose aussi. Il y a à l'intérieur de l'homme un ego. Cet ego-là est une mécanique qui ramasse de l'énergie. C'est une mécanique qui s'égoïse, qui grossit. L'expression puissante de l'ego est ce qu'on connaît sous le nom d'orgueil. Mais toute forme d'émotivité est de l'orgueil. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que quand il y a un orgueil que tout le monde a, on va l'appeler qualité. Quand il y a un orgueil qui me pile ses pieds, on va l'appeler défaut. L'humilité de celui qui sait qu'il est humble est de l'orgueil. Je suis modeste et je m'en vante. C'est finalement ce qu'il va faire. Bon. Quel que soit le qualificatif émotif qu'on va placer, ça reste une expression de l'orgueil. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité de l'émotivité est une copie d'une expression d'intelligence. Et c'est ça le problème. Quand je dis qu'un père et une mère ne devraient jamais s'aimer entre eux, ils ne devraient jamais aimer leurs enfants, et les enfants ne devraient jamais aimer leurs parents, il y aura une correspondance, un phénomène qui va remplacer cet amour qui sera régi par de l'intelligence. Mais ce n'est pas une émotivité. L'être humain ne doit pas sauver quelqu'un parce qu'il l'aime. C'est absolument idiot. C'est ridicule. L'être humain ne doit pas aider quelqu'un parce qu'il l'aime. L'être humain ne doit pas aider quelqu'un ou aider un animal parce qu'il souffre de le voir souffrir. C'est absolument ridicule. C'est idiot. C'est humain. Qu'est-ce qui va remplacer l'amour? L'intelligence. Est-ce qu'il y a des sentiments dans l'intelligence? C'est juste des sentiments. Mais il n'y a pas d'émotivité. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il n'y a pas de mémorisation du sentiment. Il n'y a pas d'émotivité. La première fois que tu rencontres quelque chose, tu vibres à la chose. C'est un sentiment. Si tu mémorises le sentiment, tu le goûtes, tu en fais une émotion. Et par la suite, tu pourras repenser à la chose et sécréter, revivre. C'est-à-dire que la vibration, l'énergie vitale que ton corps a perçue, qui n'était pas une sécrétion endocrinienne et qui nourrissait ton corps physique lors du premier contact, tu vas le recréer par le système endocrinien, en sécrétant des hormones, tu vas recréer le même stimuli. Mais là, tu détruis ton corps physique, tu ne le nourris pas. Et l'énergie que tu as accumulée, tu t'en sers, tu la brûles pour créer des hormones. Et là, tu détruis le corps physique, tu le fais vieillir et tu nostalgises. La deuxième fois que tu revois la chose, tu ne l'aimes pas autant. C'est normal, parce que maintenant, il y a un filtre, la mémoire de la première vision. Tu n'as plus le même point de vue, tu n'es plus le même homme. Alors, tu ne vois plus la même chose. Mais l'être humain qui vivrait sans émotivité, chaque fois qu'il rencontre quelque chose, quel que soit l'humain, quel que soit l'insecte, quel que soit la roche, quel que soit la matière sur le plan planétaire, il raisonnerait avec et s'en nourrirait. Il se nourrirait de l'onde de forme de ce qu'il voit, du visuel, de la perception, du sentiment. Mais vu qu'il l'oublierait constamment, il ne l'aurait pas. J'ai déjà expliqué c'est quoi l'émotion. Tu manges une pomme, mais la pomme, tu ne la digères pas. Quand tu as le goût d'avoir une pomme, tu la revomis, tu la remanges. Oui, c'est ça l'émotion. Mais elle ne te nourrit pas. Si tu t'en sers, tu la digères, la pomme, tu n'as plus de pomme, tu ne l'as pas en mémoire. Elle est en vie. Et quand tu verras une autre pomme, tu mangeras une autre pomme. Tu ne te diras pas, oh, il faut prendre la mienne. Il y a des points dessus. La mienne est plus belle. C'est pas ça que tu vas faire. L'émotivité, c'est ça. L'émotion, tout ce qui... L'évolution de l'être humain sur la planète Terre est basée sur la peur. Exclusivement sur la peur. Nos systèmes sociaux sont bâtis sur la fuite de la peur. Nos systèmes militaires, nos systèmes financiers, nos systèmes de santé, nos systèmes philosophiques, nos systèmes d'éducation sont bâtis sur la fuite de la peur. Tout. Bâtis sur l'émotivité. Comment voulez-vous que ce soit efficace? Comment pouvons-nous nous entendre sur la dépollution? Si on n'a pas assez peur, on ne dépollue pas. Celui qui a plus peur veut dépolluer. Celui qui a moins peur, il s'en fout. Si on bâtit notre système social sur la peur de perdre son emploi, bien, on travaille là-dessus. Sur la peur d'être malade ou d'être suffisamment âgé, puis de ne pas avoir une pension de vieillesse assez grande. Ah bien, on bâtit là-dessus. Si on bâtit sur la peur de se faire attaquer, de se faire envahir, ah bien, on bâtit là-dessus. On bâtit sur la peur. Tout est bâti, la peur, c'est en dessous, c'est le salage. C'est le solage de notre bâtisse, de notre société, société évolutive comme société matérielle. Et tout ça au complet de nos étages, c'est la fuite de la peur. 12e étage, bien, t'es moins proche de la peur en bas, t'es mieux. Et on a donc un système pyramidal qui fait que les plus proches de la peur sont ceux qui chiolent le plus. Et plus tu t'éloignes vers le haut, moins tu as peur. Parce que tu es loin de la peur. Le millionnaire, il va dire, j'ai pas peur. Il tombe de plus haut, par exemple. C'est ce qui arrive. Mais quand il tombe, il broye dans sa marouette. Il se casse la gueule moitié plus que celui qui est allé jouer en bas. Bon, mais il va arriver au même niveau de peur, mais il connaît pas ça. Toute la structure évolutive, les religions sont basées sur quoi? La fuite de la peur. Vous allez te sauver. Qu'est-ce que la fuite de la peur? C'est la l'enfer. T'es écœurant. Dire ça à l'être humain, alors qu'il est lui-même le créateur de tout ça au complet. C'est une vraie farce. Alors, tout est basé là-dessus. C'est de l'émotivité. Si tu élimines le facteur émotif, qu'est-ce que nous éliminons si nous décidons de revoir le monde sans émotion? Qu'est-ce qu'on élimine? Repensons la société en éliminant l'émotion. Si l'humain dit, ben oui, mais crime, si on élimine l'émotion, on va avoir une société où ce qu'on va tous être distants les uns des autres. On va la paix. Oui, mais crime, que quelqu'un va tomber sur la glace l'hiver, moi, là, c'est là. J'ai pas dit de bâtir la société sur la stupidité. J'ai dit de ne pas la bâtir sur l'émotivité. C'est nécessaire que tu dises « Ouf, pauvre personne » pour aller l'aider. C'est ça, l'animal humain. Voyons donc, je te bang. Tu la mets debout, tu t'en vas. C'est bien simple. T'as pas besoin de dire merci ou de dire « Excusez-moi » ou de, c'est un paquet de niaiseries. J'ai déjà ramassé une personne, moi, qui avait reçu une porte d'autobus en plein visage. Le chauffeur d'autobus n'avait pas vu, il s'en allait. Alors, j'avais un petit commerce, elle est rentrée, elle est venue voir, elle saignait un peu, là, je l'ai mis dans mon automobile, je l'ai transportée jusqu'à l'hôpital qui était pas loin, puis en sortant de là, ben, je l'ai rentrée à l'urgence, elle avait me donné 10 piastres. C'est ça, l'animal humain sur la planète Terre. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec 10 piastres? Elle a compris que j'étais passé. Prenais-tu une carte de crédit? C'est tout à fait stupide, c'est ridicule. Tu amènes pas un humain à un hôpital parce que tu souffres de voir du sang sortir. C'est bon pour sa santé qu'elle ait une saignée. Bon. C'est logique. Ça fait partie de l'événementiel. Ça fait partie de l'intelligence. Alors, elle va s'en aller, puis elle va dire, ben, il était foiratorieux, je donne 10 piastres, il n'en veut pas. Je dis merci, il me dit que c'est pas grave. Mais non, c'est tellement, c'est elle qui souffre. C'est elle qui est le problème. Mais les premières personnes qui deviennent anémotifs ou qui deviendront anémotifs... vont rire des autres. Est-ce qu'ils souffriront pas aussi? Mais non! Avant de devenir complètement anémotifs, il y a des périodes où de transition qui peuvent être difficiles parce que tous les autres alentours vont être émotifs. Un instant. L'émotion dans l'homme, c'est ce qui rend l'humain aussi près d'une extermination planétaire. C'est l'émotivité. On est sur le bord d'un apocalypse nucléaire à cause de l'émotivité. L'émotivité, l'émotion, c'est un des plus grands facteurs d'involution qui a été implanté dans la conscience de l'homme. C'est ce qui fait en sorte que l'homme n'arrive pas à se reconnaître. C'est ce qui fait en sorte que l'être dans l'humain n'arrive pas à se libérer. C'est l'émotivité. Étant donné que l'émotivité est capable de plagier, de copier à peu près tout ce qui fait référence à l'intelligence, l'émotivité étant beaucoup plus proche du corps physique que l'est l'intelligence, donc l'être dans l'humain, l'émotivité prend le dessus dans l'expression. L'émotivité, c'est le facteur d'involution. L'émotivité, c'est le maître qui rend l'être esclave. Quand l'humain commence à se libérer, l'émotivité qui est implantée dans l'homme par le biais de l'âme, qui est un virus, qui terrestrifie l'humain, lorsque l'être humain commence à être intelligent, nécessairement toute la structure d'involution commence à lutter pour l'empêcher de monter, pour l'empêcher de devenir intelligent. Parce que quand l'être humain devient intelligent, il détruit l'âme, il détruit l'ego, il détruit les mémoires volatiles, il détruit l'émotivité. Il détruit l'émotivité pour en faire un complémentaire beaucoup plus efficace, qui s'appelle le double éthérique, qui va rendre l'homme immortel. Donc l'homme échappe même au monde de la mort, même s'il perd le corps physique, il ne gagne plus le monde de la mort. Alors il échappe ainsi aux égrégores, il échappe donc aux dieux, créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Il échappe aux mécanismes réincarnationnels, il échappe aux mécanismes de siphon de tous les phénomènes égrégoriens du monde de la mort, du ciel, il échappe à la régie des archanges, il échappe à un paquet de choses. Lorsque l'être humain en arrive là, nécessairement, il est libre. Étant libre, il passe à d'autres étapes qu'on voit surtout au niveau du similaire. Bon, il devient libre. Maintenant, tout ce qui vit, les dieux, les archanges, les mémoires qui se réincarnent, tout le monde de la mort au complet, le phénomène astral sur le plan planétaire, et tout ce qui est astralisé à l'intérieur des autres individus, ça va tout se mettre ensemble pour empêcher celui qui s'intelligencie de se libérer. Alors ta femme, ton mari, tes enfants, tes voisins, tes amis vont tout faire pour souffrir devant toi parce que l'émotivité te rend culpabilisable. Tu te rends compatissant. L'humain émotif a la faculté, très terre à terre, de souffrir la souffrance d'un autre. Alors là, tout le monde devient tout absolument démoli autour de toi à cause de toi. On te dit que tu devrais souffrir, que tu devrais t'ennuyer, que tu devrais aimer, que tu devrais avoir des idées, que tu devrais de temps en temps nous dire ce que tu veux, que tu devrais... On te le dit carrément. On veut pas que tu sois libre. On veut que tu restes attaché. Il va y avoir une période de transition qui risque de souffrance. Il y a toutes les forces d'involution qui te ramassent par les culottes, puis il y a l'intelligence qui te tient par la tête. Ça n'arrache pas, tu ne suicides pas, puis si ça va passer à un moment donné du bon bord, il n'y a rien à faire. Peut-être. Non. Bon, non, t'es sûr? Il n'y a rien à faire. L'humain est trop intelligent, ça paraît pas, mais l'humain est trop intelligent. L'intelligence, c'est gros comme ça, mais ça vaut des soleils. Sauf que présentement, l'intelligence n'a pas encore suffisamment de contact avec le corps physique de l'homme, avec son système neuronique, avec son cerveau, et tout. L'astral, l'ego, l'âme, les mémoires, tout ça, tous les archétypes, le passé humanitaire. Tous les vieux qui ont vécu avant nous, tous les personnages depuis la femme des cavernes. Je pensais que c'était un homme des cavernes. Je fais changement un peu. La femme des cavernes puis l'homme des tavernes. Les astralopithèques, ben ça c'est... Est-ce qu'on peut dire que l'émotion c'est une On mémoire peut dire de sentiments? Oh, je sais qu'on peut dire n'importe quoi. On va dire que l'émotion c'est une mémoire des sentiments? L'émotion est la mémoire du sentiment qui est régurgitée à travers le système endocrinien pour que l'ego, pour que l'âme puisse le revivre. Si on arrêtait d'avoir des mémoires, on arrêterait automatiquement d'avoir des émotions. Mais ça va de soi. Regarde bien ceci. Il y a un enfant écrasé en dessous d'un automobile, puis tu te rappelles même pas que c'est ton fils. Oui, c'est beau pire, ça. Déjà, en partant, ça règle un problème. Deuxièmement, tu te rappelles même pas que... C'est bien des choses que tu oublies. Tu te rappelles pas que t'es pas capable de lever l'auto. Ça que tu l'as. S'il y a intelligence à accomplir un acte, tu l'accomplis. S'il y a pas intelligence à le faire, tu l'accomplis pas. C'est très simple. C'est comme ça que l'humain doit vivre. Sauf que l'humain vit pas comme ça. L'humain vit en se levant un matin en se demandant s'il va faire beau ou pas beau. Parce qu'il lui met un qualificatif dans la température. Bon, l'humain se lève un matin puis se demande si la journée va être aussi plate qu'hier. L'humain il se lève un dimanche matin puis il offre un autre dimanche torieux. L'humain il se dit samedi soir, oh non, on n'est pas pour aller voir un film samedi soir. Tu sais, non, dimanche, ça c'est plate dimanche, j'aime autant aller voir un film dimanche. Bon, l'humain, ça c'est la vie de l'humain. L'humain il se demande, est-ce que mon pâté chinois va être réussi? C'est réussi. Réussi, c'est quoi? Si ça va être nutritif, ça n'a rien à voir avec la recette. Bon. L'humain il se demande, l'humain vit comme ça. Puis quand moi je dis que l'humain est un esclave, puis que l'humain finalement perd sa vie à vouloir la sauver, ben on me prend pour un robot, on me prend pour je sais quoi, puis pour un paquet d'autres choses. Bon. L'humain a une vie qui. L'humain doit régir sa vie d'une façon absolument nouvelle, absolument différente. Ça c'est de se demander si c'est peut-être à l'heure ou en retard. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ça te fait ou ça te fait pas, pis si ça. Tu le fais en fonction de ton nombre de formes, en fonction de ce que tu vibres de toi-même. Tu le fais comme ça, ça finit là. Mais l'humain n'est pas capable encore. L'humain a de la grosse difficulté. Pourquoi? Parce que l'humain est émotif. Qu'est-ce qui serait plus facile à éliminer, la mémoire ou l'émotion? Les deux sont éliminés en même temps. Sauf que c'est plus facile de contrôler le corps physique pour l'endurcir à ce que l'expression émotive s'exprime un peu moins à l'intérieur du corps. Donc, nécessairement, tu paraîtras plus froid, plus robotisé. C'est ce que les autres vont te dire, c'est ce que les têteux vont te dire. Le titre de la conférence était « Comment survivre à son émotivité? » On a parlé en masse. Et à celle des autres. Bon, c'est autre chose. Celle des autres. Quand quelqu'un t'aime, premièrement, il te possède. Et si je veux qu'il me possède? Non, s'il t'aime, il te possède. Ben, si quelqu'un m'aime, puis moi, je l'aime pas. Il t'aimera pas longtemps. Il ne pourra pas. Aimer, c'est posséder. Alors, si ta femme, elle t'aime, à un moment donné, elle voudra arranger ta moustache un petit peu, là. Tu te fais têter. Parce qu'elle arrange ma moustache? Ah oui, t'es en train de parler avec quelqu'un, de manger, de te coucher, puis là, elle a piqué quelque chose. Bon. Tu prends l'ascenseur, elle arrange la cravate. Tu te fais têter. Elle t'aime. C'est par amour qu'elle fait ça. Oui, c'est ça l'amour de l'humain. Et on le vénère, on va dire, oui, mais je pense à toi. Non, tu penses pour moi. Oh, pareil. Tu penses pas à moi, tu penses pour moi. Tu t'immisces carrément dans ma vie, dans ma conscience. Tu viens, ce soir, tu sors pour ta conférence, et puis, ah, bon, ça a l'air, c'est ça que je m'assois. Tu as vu ce qui s'est passé, là. Mais oui, mais c'est ça, elle t'aime. Et toi, tu pars, tu mets d'autres choses. Ah, ben là, elle frustrée noire. Elle t'aime pas longtemps. Elle va finir par te respecter ou par te lâcher. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, oh, puis si elle t'aime, là, qu'est-ce qu'elle t'enlève comme énergie? Oh. Énormément. Pas rien que là. Énormément. L'être humain, l'émotivité d'autrui, c'est quoi? C'est lorsque les individus décident de ce que tu devrais faire au nom de l'amitié. En réalité, ça devient de l'amour. Au nom de l'amour, au nom de la socialisation, au nom de ce qui se fait, au nom de la bienséance, au nom de bien des choses. L'émotivité d'autrui vous tête, vous vampirise, vous vole en énergie, vous fait vieillir, vous épuise, vous écœure. Parce qu'on pense à votre place. C'est pas même compliqué. Ça sert à ça. Et l'humain est déjà très mal pris dans son évolution, dans sa conscientisation, mais en plus, il est obligé de vivre entouré de d'autres humains. Terrible. Et l'humain qui est animal, humain, va dire, ah oui, mais en troupeau, on est bien mieux. Mais ça va de soi, parce qu'on se sécurise tout le monde, on se normalise tout le monde. Mais quand l'individu commence à être individu, à être individualiste, à être individualisé, à avoir une conscience seule, bien là, toute la gang décide comment il devrait penser. Et c'est là qu'on te normalise, on te marginalise. C'est vrai que t'es anormal, t'es marginaux, ça c'est un fait. On va dire t'es un fou, c'est vrai t'es un fou. On va dire t'es un imbécile, absolument. Hey, mais pourquoi tu comprends pas? Parce que je suis fou. Je peux pas comprendre. C'est simple. Oui, mais c'est anormal. Exact. Ah, oui, mais... Non, on vous touche plus, là. Là, il se gruge eux-mêmes. Faut se faire soigner. J'ai déjà fait trois fois. Et ils sont devenus fous. Les médecins sont devant la fenêtre. Ben oui, ils sont devenus fous. Rien à faire. Mais te rends-tu compte de ce que tu fais? Non! Non. Mais quand tu parles aux autres, ça passe seul. C'est tout. Il faut que tu ris d'eux autres. Tu ris d'eux autres. Ben oui. Ça, si tu t'amuses comme ça, tu perds pas d'énergie. Comment veux-tu perdre de l'énergie? Tu te défends même pas. T'es un trou de cul. Oui. Exact. Oui, mais t'y penses-tu? J'essaye. Dis pas non, elle va penser que tu veux pas. Dis pas oui, elle va dire c'est pas vrai. J'essaye. C'est pas long. Ça, c'est comment ne plus avoir d'amis. Non, oh non, ils vont rester avec toi, hein, Christy. Ils vont sentir que, bien évidemment, les amis que tu vas perdre, ceux-là, c'était pas des amis. C'était des amoureux. Des têteux. Bon, c'était pas des amis. Puis les autres, ils vont finir par avoir la vibration que, merde, il a raison. C'est simple. Libre. Celui qui souffre à cause que tu te libères, bien c'est lui qui souffre à cause de lui, pas à cause de toi. Le pissenlit, là, quand tu le ramasses pas, il broye pas. Quand tu passes à côté d'un arbre, puis tu dis pas bonjour, monsieur l'arbre, t'en fous, là. Ben, les plantes sont supposées pousser mieux quand on leur parle. Ben oui, ça va de soi, ils ont de l'émotivité. Mais si tu passes à côté sans les arracher, ils vont pousser bien aussi. Aucun problème. Toute l'énergie de ta vie, si tu la donnes aux plantes, ils poussent mieux les plantes, c'est évident. Mais les plantes sont pas là pour que tu leur parles. Ça fait combien d'années que les plantes poussent à planète Terre? Plus longtemps que depuis mon existence. Ouais, hein? C'est pas à cause qu'on le parle, hein? Non. Ça a poussé bien avant. Oui. Bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais on dit que ça pousse mieux, on dit que les vaches... Ah, ça va toi que ça pousse mieux? Lait, que les plantes poussent mieux. Ça va toi? Tout ce que tu perds, tu le donnes, ça va bien. On transmet notre énergie, on la donne. À un moment donné, l'humain va avoir une parole suffisamment ajustée, avec une voix suffisamment ajustée, qui va simplement dire à la plante, pousse, fais leur prochaine poussée. Il dira pas, je t'aime, je te trouve belle, j'ai hâte que tu sois mûre, pour mieux te flatter, de mon palais. Alors on a des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet. ou des commentaires. C'est intéressant des fois les commentaires, ça se transforme facilement en très bonnes questions. Ou en bonnes réponses, alors vous ne vous gênez pas, vous les posez. On fait une petite pause de 15-20 minutes.